Terminal prod, encre noire. Ok, 9-1 Gangsta. VR de légende, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils peuvent? Il s'agit pas seulement de vouloir. Je sais qu'ils veulent, mais est-ce qu'ils peuvent? Plonge dans l'encre noire, apotrache. J'entends parler de braquage. Le crime paie seulement les vrais gangsters. Tu vois de quoi je parle? Un fossé entre parler, passer à l'acte. Quand ils sont serrés, est-ce qu'ils évitent de passer à table? J'entends parler d'armes, est-ce qu'ils mettent en joue? Est-ce qu'ils défouraillent la flicaille comme au zoo? Ils savent que du balcon, les RG, les zooms. Pourquoi ils se prennent tous pour Chaka Zulu? J'entends parler de bitch, est-ce qu'ils ont les vrais bitch? Celles qui y vont en doggy style. À l'arrière d'une Merco, d'une mini Austin. Celles qui aiment les vrais hommes avec les vrais broliques. Qui m'a parlé d'alcool, est-ce qu'ils y vont? Est-ce qu'ils épongent? Est-ce qu'ils tiennent la fonce? Est-ce qu'ils boivent plus de Sky que mon négro Samir? Les lycéens de la semaine font les voyous samedi. Ils veulent tous rapper, où sont leurs blessures? Quel est leur vécu? Qu'est-ce qu'ils véhiculent? Est-ce qu'ils crachent plus de haine que le volcan Vésuve? Depuis quand les bolos se prennent pour Hercule? Ok, je veux bien, mais est-ce qu'ils peuvent assumer leurs paroles? Est-ce qu'ils peuvent? Je sais qu'ils veulent, mais est-ce qu'ils peuvent? Leurs lyrics tuent, mais est-ce que eux ils tuent? Est-ce que eux ils butent? Est-ce qu'ils peuvent assumer leurs paroles? Est-ce qu'ils peuvent? Je sais qu'ils veulent, mais est-ce qu'ils peuvent? Leurs lyrics tuent, mais est-ce que eux ils te tuent? Vraiment? J'entends parler de gamos et de vitesse à la Fast and Furious. Mais est-ce qu'ils peuvent allumer plus la street que mon négro Hollywood? Pied au plancher sur la route, j'en doute. Tu connais le bruit des armes, c'est le canon qui parle. Ont-ils tous la force de retenir leurs larmes? Quand ils sont fauchés, peuvent-ils tous retenir leurs femmes? La violence est psychologique pour que tu puisses bien retenir le blaze. Mes profs n'ont pu que retenir le blâme. Mais est-ce qu'ils peuvent vivre à notre place dans les HLM avec les flics et la BAC? Mais est-ce qu'ils peuvent vivre décemment, élever leurs gosses en ne touchant que la CAF? Nous on peut générer de l'oseille sans un PEP, ne me parle même pas de la fac. Les gens parlent de violence, est-ce qu'ils peuvent encaisser la vraie violence, hein? Est-ce qu'ils peuvent braquer la Banque de France, s'arracher en RS4 à 230 sur la bande d'urgence? Ok, je veux bien, mais est-ce qu'ils peuvent assumer leurs paroles? Est-ce qu'ils peuvent? Je sais qu'ils veulent, mais est-ce qu'ils peuvent? Leurs lyrics tuent, mais est-ce que eux ils tuent? Est-ce que eux ils butent? Est-ce qu'ils peuvent assumer leurs paroles? Est-ce qu'ils peuvent? Je sais qu'ils veulent, mais est-ce qu'ils peuvent? Leurs lyrics tuent, mais est-ce que eux ils te tuent? Vraiment? Encre noire, apotrache, est-ce qu'ils peuvent? Evry, Grigny, Corbeil, 9-1 Gangsta, non, ils ne peuvent pas. 9-1 Gangsta.